Ici Marie Alonso du vaisseau Velasquez. Je vais me mettre en sommeil profond et je vous recontacterai lorsque je serai à 10 jours de la Terre afin que vous me donniez l'autorisation d'atterrir. Je vous raconterai exactement ce qui s'est passé. Je répète, je suis complètement seule. Je vous en supplie. Détruisez pas le vaisseau. Je répète, je suis seule. Ouvre-moi ! Je suis Marie Alonso, second navigateur du vaisseau Velasquez. Terminé. Je suis désolée, Vincent. Je veux juste rentrer chez moi. Pardon, pardon. Je vais rentrer dans mon sarcophage. Doppelganger de Tariq Nui. Planète Mars en approche dans 6 jours, 5 heures et 18 minutes. Processus de réveil enclenché depuis 6 heures, 18 minutes et 32 secondes. Réveil du capitaine Frank Meyer dans 12 minutes et 22 secondes. Réveil du professeur Walter Langus dans 18 minutes et 0 secondes. Réveil du médecin de bord Elisa Brodsky dans 27 minutes et 42 secondes. Réveil du second navigateur Marie Alonso dans 16 minutes et 58 secondes. Réveil de l'ingénieur Vincent 13 minutes et 12 secondes. J'ai toujours l'impression d'avoir la gueule de bois quand je me réveille. Je m'y ferai jamais à ces sommets artificiels. Ne bouge pas, je dois finir de t'examiner. Tais-toi un peu et reste calme. Bon, respire par la bouche. Ok. Tousse un peu. Ok. Je prends ta tension et ce sera bon. Docteur Brodsky, est-ce que je suis bon pour le service ? Chut, reste calme. Voilà. C'est bon. Les autres sont en poste ? Frank est avec Marie au poste de pilotage pour faire un check-up et Walter est dans son labo. Eh ben, on y est, alors. Journal de bord du second vaisseau Marie Alonso. Après plusieurs mois de traversée en sommeil artificiel, je me sens encore un peu fatiguée au réveil. Mais d'après le médecin de bord, Elisa Brodsky, tout rentrera dans l'ordre dans un jour ou deux tout au plus. Je crois que nous ne mesurons pas encore la portée de cette première mission habitée sur Mars. Je peux dire que j'ai de la chance. Comme tous les suppléants, je m'étais entraînée en sachant très bien que je ne ferais pas partie de la mission. Mais au dernier moment, le hasard en a décidé autrement. Et maintenant, je suis là. Je crois avoir fait d'étranges rêves. J'étais sur Terre, chez mes parents, devant la maison. Vous avez refait les calculs, Marie ? Affirmative, capitaine. J'ai tout vérifié, je n'ai détecté aucune anomalie. Vincent a mis le rapport, capitaine. Ah, Vincent, on a un problème de calcul de distance entre nous et Mars. Le CSP indique 6 jours, alors qu'on est à quelques heures de la planète. Combien de temps pour un contrôle de tous les ordinateurs ? Contrôle, il faut compter au moins 4 heures, capitaine. Alors mettez-vous au travail immédiatement. Bien, capitaine. Marie, nous sommes trop près de la planète pour atterrir aux coordonnées prévues. Activez les procédures 25.2 et 25.6 pour recalculer le point d'atterrissage. Procédure 25.2 et 25.6 activées, capitaine. D'après les nouveaux calculs de trajectoire, nous devons nous mettre en orbite géostationnaire aux coordonnées 0,8 degrés nord et 246,6 degrés est pour atterrir sur Pavonis Mons. Ici le capitaine. Nous allons, en attendant que l'ingénieur trouve et répare le système, nous mettre en orbite géostationnaire au-dessus de Pavonis Mons, notre nouvel objectif. Cette situation devrait être de courte durée. L'ingénieur de bord pense en avoir pour 4 heures. Si loin de la Terre, n'importe quelle panne peut être fatale. Le manque de matériel, la distance, les conditions extérieures, tout prend d'autres proportions. Je regarde comme nous tous la planète rouge. Me reviennent en mémoire toutes les photos et vidéos du sol martien. Les données chiffrées qu'on a mémorisées pour apprendre à mieux connaître cet environnement. Spirit, Opportunity, Phoenix, Curiosity, tous ces rovers avant nous. Toutes ces sondes. Et maintenant, nous sommes devant. Juste là. Et il faut attendre encore des heures pour réparer cette panne. Nous n'avons jamais été aussi près d'un autre monde. On y est. Enfin. C'est incroyable, tu ne trouves pas, Franck, de l'avoir de si près. Tu te rends compte qu'on va être les premiers à marcher sur Mars ? Les premiers êtres humains. On y est enfin. C'est vrai que c'est impressionnant, Walter. Bon, préparez-vous dès maintenant à une entrée plutôt que prévue sur Mars. Et est-ce que tu as réfléchi à ce qu'on va pouvoir faire pour... Oui. Oui, j'ai une idée. C'est bien. Capitaine Franck Meyer du vaisseau Velasquez à Capcom Contrôle Terre. Rapport de mission numéro 24DE76. Après procédure de réveil de l'équipage réussie, l'ordinateur de bord indique l'arrivée sur Mars à 6 jours, 5 heures et 18 minutes, alors qu'en visuel, Mars serait à moins de 12 heures. L'ingénieur de bord Vincent Amiel fait le nécessaire afin de trouver l'erreur de calcul. Nous avons, en attendant les résultats de ses recherches, mis le vaisseau sur orbite au-dessus de notre nouvel objectif Pavonis Mons. Capitaine Franck Meyer du vaisseau Velasquez à Capcom Contrôle Terre, terminé. Alors Vincent, ces vérifications ? Pour l'instant, tout est parfaitement en ordre, capitaine. S'il le faut, je lancerai une réinitialisation du système pour être certain. C'est vraiment étrange. Tous les systèmes sont OP. Ne laissez rien passer, Vincent. Vous pouvez compter sur moi, capitaine. Elle est là. Énorme, massive et rouge. Tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire. Tout le monde est exactement à sa place. Et malgré le fait que chacun continue à faire son travail, je sens une appréhension mélangée à une certaine excitation monter. Il nous reste tout de même à accomplir la phase la plus critique du voyage, l'atterrissage. Être là est un miracle. C'est déjà beaucoup. Je me dis que ça serait dommage de ne pas aller plus loin. Nous poser sur le sol martien. C'est un rêve d'enfant que nous sommes en train de réaliser. Le rêve. Système réinitialisé. Rapport envoyé au centre de contrôle Capcom. Tous les paramètres ont été vérifiés. Autocontrôle. Vincent, à combien l'ordinateur estime notre distance de Mars ? Toujours 6 jours, capitaine. J'ai refait les paramétrages et toujours 6 jours. Peut-être que le Capcom trouvera une anomalie. Vous avez tout essayé, Vincent. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, capitaine. Capcom Contrôle Terre avait sauvé la SCES. D'après nos retours instruments, il n'y a aucune anomalie détectée. Autorisation pour descendre sur Mars aux nouvelles coordonnées 0,8 degrés nord et 246,6 degrés est. Autorisation lancée sur protocole 45D23. Autorisation lancée sur protocole 58D51. Avis favorable pour pré-initialisation de la phase finale. Bonne chance à vous. Capcom Contrôle Terre à vaisseau Velasquez. Terminé. Lorsque les instruments ne sont plus fiables, lorsque tout a été fait, alors nous ne devons faire confiance qu'à nos sens et à notre intelligence. C'est comme ça que l'être humain a toujours découvert le monde. À travers l'évolution des techniques, mais d'abord et toujours à travers ses sens et son intuition. Même ici. Est-ce que les CPA 7 et 8 sont OP, Vincent ? Affirmatif, capitaine. OP à 100%. C'est juste le calcul de distance entre nous et la planète qui est faussé. Tout le reste fonctionne très bien. Peut-être même que c'est un simple bug d'affichage sans conséquence. Sans conséquence ? Hein ? J'espère. Bien. Inutile d'attendre plus longtemps. Allons-y pour la descente. Capitaine Franck Meyer à équipage. Nous allons amorcer dans 30 minutes la descente sur Mars. Que tout le monde regagne son poste. Je répète, nous amorçons notre descente sur Mars. Tout le monde à son poste. Vous êtes prête, Marie ? Second navigateur Marie Alonso, prête, capitaine. Si je puis me permettre, capitaine, ça va durer 8 longues minutes, cet atterrissage. Mais ça va bien se passer. Nous nous sommes entraînés à cette manœuvre pendant des années. C'est le moment de vérité. Vous avez eu de la chance, finalement, que Miguel se soit cassé une jambe 2 jours avant le départ. Je sais que c'est votre ami, capitaine. Je sais aussi que vous vous connaissez tous depuis longtemps. Pour vous dire franchement, je pensais pas faire partie de l'équipage. Il faut du temps pour faire partie d'une famille. Bien, concentrons-nous maintenant. À vos ordres, capitaine. Je ne fais pas encore partie de cette fameuse famille. Le capitaine Frank Meyer, le professeur Walter Langus, l'ingénieur Vincent Amiel et le médecin de bord Elisa Brodsky se connaissaient tous depuis longtemps. Ici aurait dû se trouver le second navigateur Miguel Gantz. Mais qu'importe, je me sens à ma place. Et je suis persuadée que l'histoire avec un grand H retiendra que j'étais là, parmi les pionniers. Plus tard, des rues et des places, des lieux porteront peut-être mon nom. Capitaine Frank Meyer du vaisseau Velasquez, à Capcom Contrôle Terre. Rapport de mission numéro 24-2-77. Nous avons atterri sur la planète Mars aux coordonnées 0,8 degrés nord et 246,6 degrés est sur Pavonis Mons. Nous sommes dans le second cratère du volcan. Je répète, nous avons atterri sur la planète Mars. Tous les paramètres sont normaux. Nous nous préparons à une sortie. C'est un grand moment. Capitaine Frank Meyer à Capcom Contrôle Terre, terminé. Ok pour la sortie. Sas ouvert. Ok. Constante, ok. J'ai un bon visuel sur les alentours. Il y a du vent. Quelques grains de sable qui volent. Et dans l'ensemble, tout est ok. Ici Frank Meyer, capitaine du vaisseau Velasquez. Je vais poser mon pied sur le sol martien pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est un grand honneur pour moi. Seconde bord Marie Alonso du vaisseau Velasquez à Capcom Contrôle Terre. Rapport de mission numéro 24-DE-78. L'équipe de sortie est sur le sol martien, rien à signaler. Ils sont dehors depuis 42 minutes exactement. Seconde bord Marie Alonso à Capcom Contrôle Terre, terminé. Walter pour Marie. Oui, Walter, ici Marie, je vous écoute. Marie ? Oui ? Tous les échantillons ont été récoltés. Nous allons mettre en place la balise météo. Nous avançons pour le moment vers ce qui semble être... Capitaine ? Walter ? Le capitaine vient de tomber dans... Le sol s'est dérobé sous ses pieds. Capitaine ? Capitaine, est-ce que vous m'entendez ? Walter, n'avance plus, Walter ! Capitaine, est-ce que vous m'entendez ? Capitaine ! Vincent, qu'est-ce qui se passe ? Plus, Walter ! C'est le sol, Marie ! Capitaine ! On se prépare à tout. On croit qu'on est préparé à tout avec des spécialistes, des consultants, des machines et des calculs de plus en plus perfectionnés. Et soudain, c'est le sol qui se dérobe sous nos pieds comme pour nous dire qu'on n'est pas chez nous. Comme pour nous dire qu'on est loin. Il faut rester calme. C'est notre seule arme ici, rester calme et froid devant toutes les situations. Il faut penser le plus vite possible. Laisser remonter en soi, mécaniquement, toutes les procédures apprises au centre d'entraînement. Le capitaine ne répond pas, je répète, le capitaine ne répond pas, il faut aller le chercher. Elisa, on se prépare à une sortie d'urgence, on prend un câble et du matériel pour descendre. T'es à combien de la crevasse, Vincent ? À 3 mètres, Marie. L'air profond. Vite, Elisa. Capitaine, si vous nous entendez, restez calme. Nous allons suivre la procédure et venir vous chercher. Peut-être que c'est juste son micro qui s'est cassé et qu'il ne peut pas nous répondre. Il faut lui parler. N'oubliez pas qu'il sait aussi ce qu'on va faire dans ces cas-là. Walter ? Oui, Marie ? Est-ce que le terrain va nous permettre d'avancer au bord de la crevasse ? J'ai un visuel sur les bords et il semble franc, en effet. Mais le plus prudent, c'est d'attendre que vous soyez là pour nous arrimer et avancer vers ce trou. Il faudra peut-être descendre à deux pour le remonter. Le sol ici est parfaitement plat. Il était juste question de récupérer des échantillons et mettre en place la balise. Bon, lancement, séquence de sortie enclenchée. Toutes les constantes sont... Ok, ouverture du sas de rang. 5, 4, 3, 2, 1, ouverture. Capcom contrôle Terre avait sauvé la SCAS. Pour nous aussi, tout se passe bien. Nous avons tous les capteurs OK. Continue la mission et félicitations. C'est un grand moment pour nous. Capcom contrôle Terre avait sauvé la SCAS. Terminé. Capitaine, si vous nous entendez, nous attendons l'arrivée de Marie et d'Elisa sur les lieux. Avec le câble pour descendre vous chercher. J'estime leur arrivée à une vingtaine de minutes, capitaine. Vous avez entendu ? C'est le capitaine. Capitaine ! Capitaine, est-ce que vous m'entendez ? Faites silence radio, s'il vous plaît. Capitaine ? Marie, si vous nous entendez, dites OK 5 fois. Je répète, si vous m'entendez, dites OK 5 fois. OK. OK. J'ai eu 2 OK sur 5, capitaine. Est-ce que vous allez bien ? OK. OK. OK. J'ai eu 3 OK sur 5, capitaine. Nous allons être sur zone avec Elisa dans quelques minutes. C'est bien son micro qui a dû prendre le choc. Tout va bien, il me semble. Capitaine, je les vois qui arrivent. Hein. On se prépare. Allez, il faut le remonter. Capcom contrôle Terre avait sauvé la SCAS. Nous avons bien pris note de l'incident survenu lors de votre première sortie. Veuillez nous revenir au rapport dès que le médecin de bord, Elisa Brodsky, aura donné son diagnostic. Si l'état général du capitaine Frank Meyer n'est pas satisfaisant, nous vous autorisons, conformément à la procédure MEDEX, à ce qu'il soit mis en sommeil artificiel jusqu'à son retour sur Terre, et que le commandement passe au second navigateur Marie Alonso. Notons que le sauvetage du capitaine Frank Meyer a réduit de 6% vos réserves d'oxygène au lieu des 2% prévus. Capcom contrôle Terre avait sauvé la SCAS. Terminé. Nous avons réussi à remonter Franck. Il a l'air d'aller bien. Toutefois, il semble préférable de le garder en observation quelques jours. En attendant, et comme le veut la procédure dans ces cas-là, je suis celle qui prend le poste de commandement jusqu'à son rétablissement. On attend le retour des prélèvements machines pour en savoir plus sur la densité du sol et sur sa stabilité, pour en savoir plus sur les risques d'éboulement. Comment ça va, Franck ? Ça va mieux. Je crois que... Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te sens mal ? Tu veux que... Non. Non, je vais bien, Walter. C'est juste que cette chute... dans la grotte, pendant que j'attendais les secours... Je crois avoir... Enfin, je sais plus si ce qu'on doit faire... Je me sens... Je sais pas comment dire... Mais je pense à notre mission et... Peut-être qu'on devrait... Je crois pas que ce soit le moment de réfléchir, Franck. Il faut juste faire ce qu'on a prévu, c'est tout. Il n'y aura pas de problème. Je sais que tu es inquiet, mais n'oublie pas toutes ces années de travail. On a une chance unique. Une chance unique. Elle ne se représentera pas de sitôt. Le voyage sur la Lune a été une occasion ratée, tu le sais bien. Cette fois-ci, on ne la laissera pas passer. On a tout prévu, tu dis ? On avait prévu que Miguel se casse la jambe au dernier moment ? Comment on va faire avec elle, hein ? Les ordres sont simples. On lui explique, et si elle ne comprend pas, alors... Mais... Personnellement, je ne suis pas pour en arriver là, Franck, tu le sais bien. Mais je peux te dire que si elle ne coopère pas, on ne pourra pas faire autrement. Tu en es conscient. Franck ? C'est toi qui décides, Walter. C'est toi le chef ? Ça ne va pas? Non, j'ai mal à la tête, ça va passer. Bien. Alors, continuons. C'est bien, Franck. Continuons. Mais pour le moment, il faut te reposer. Walter? Oui? Il faut retourner dans cette crevasse. Pourquoi faire? Je ne sais pas, mais il faut y retourner. Dans cette crevasse. Il faut te reposer. Dors un peu, Franck. Dors. Journal de bord du second navigateur Marie Alonso. Franck a repris son poste. Il se remit étonnamment vite de cette chute. Mais je ne peux m'empêcher de le trouver fatigué. Parfois dans le vague. J'en ai parlé au professeur Langus et à Elisa. Ils m'ont dit que c'est sûrement un effet de la chute et de la fatigue du voyage. Les contrôles machines sont formels. Le sol est parfaitement stable. Cette crevasse semble donner sur une grotte, d'après les éléments que nous a communiqué Franck. Il dit aussi qu'il voudrait l'explorer. Il nous a convoqués dans la salle de contrôle pour nous parler. Je voudrais vous faire part d'un événement important. Bien. Lorsque j'étais dans la crevasse, il y avait quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Devant moi, à quelques mètres. Je dirais même à moins d'1,50 m de moi, en fait. Quelqu'un de... de vivant. De vivant? Qu'est-ce que vous entendez par vivant, capitaine? Une forme. Une forme humanoïde. Une forme intelligente. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça, capitaine? Parce qu'elle m'a parlé. Elle a parlé notre langue. Aussi simplement que nous parlons. Mais c'était dans ma tête. Sans doute de la télépathie. Elle a dit clairement, je suis là. Je suis là avec vous. Je suis là depuis longtemps. C'est incroyable. C'est incroyable. Une autre forme de vie. Il faut tout de suite prévenir la Terre, capitaine. Tout de suite. Oui, c'est juste, mais on a perdu trop de temps déjà. Il ne faut pas qu'elle disparaisse. On doit retourner dans cette grotte pour confirmer sa présence. Si vous le permettez, capitaine, ce n'est pas un peu prématuré après cette chute de refaire si vite une sortie? Mon diagnostic n'a rien révélé. Je me sens bien et je crois qu'on doit faire vite. Il faut y retourner. Mais, capitaine, vous pourriez peut-être... Walter et Vincent, vous vous préparez à faire une sortie avec moi. Elisa, vous vous tenez prête à intervenir en cas d'urgence. On ne sait pas à quoi s'attendre. Marie, vous vous tenez prête pour un décollage d'urgence si la situation dégénère. Tout le monde a bien compris les instructions? À vos ordres, capitaine. Cette histoire d'humanoïde dans la grotte, Franck. Puis la prochaine fois, t'évites de me faire passer pour un imbécile. J'ai quand même un petit peu l'impression que t'oublies qui commande vraiment. Walter a raison, Franck. Ce qu'on doit faire est beaucoup plus simple. Pour qu'on y retourne? Oui, je sais, Mais je me suis dit que ce serait bien d'y retourner pour que tout semble normal et cohérent. Je veux dire, c'est une aubaine, cette crevasse. Ça nous évite de perdre du temps à aller plus loin. On y retourne. On fait un rapport sur cette créature, si on est deux à la voir et à confirmer son existence, c'est mieux. Et ensuite, tout rentre dans l'ordre, et même Marie ne se doutera de rien. Il n'y aurait même pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Je descends avec toi. Non, il faut que ce soit Walter, il est professeur. Son avis aura plus de poids. Maintenant, on est d'accord. Allons-y. Capitaine, j'ai l'impression qu'une tempête se lève. Marie! J'écoute, capitaine. Est-ce que vous voyez arriver une tempête ? Négatif, capitaine. Je répète, négatif, capitaine. Les balises indiquent un temps clair et dégagé. Est-ce que vous avez encore tous de la visibilité ? Pour moi, de moins en moins. Je dirais 4 sur 10. Je crois que nous arrivons près de la faille. Attendez. Attendez, je vois plus rien. Capitaine. Capitaine, vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Mais je ne vous vois plus. Walter, vous êtes là ? Je vous reçois à 5 sur 5. Je vois aussi la crevasse. On doit être les uns à côté des autres, mais on ne se voit plus du tout. C'est ce qu'on fait, capitaine. Capitaine ? Vous me recevez, capitaine ? Je suis au bord de la crevasse. Pourquoi je vois aucun d'entre vous ? Walter ? Walter, tu as perdu le capitaine ? Je vois pas sa position sur le GPS. Je vous vois vous, mais pas lui. Vincent et Walter, est-ce que vous pensez que vous pouvez rester sur vos positions le temps que la tempête passe ? Il y a un risque de vous perdre si vous vous éloignez. Le vent est assez violent, mais je pense qu'on peut attendre un petit peu. Et si la tempête dure trop longtemps ? On n'a aucune signature radar, rien du tout. Elle ne devrait même pas être là. Ils ont encore une bonne heure avant d'entamer sa réserve. Il faut juste qu'ils ne bougent pas, je veux pas les perdre. Fais un scan de la zone. Peut-être qu'on va pouvoir repérer le capitaine. Ça ne se passe pas comme prévu. Rien ne se passe comme prévu. Il faut retrouver le capitaine. Rien ne se passe jamais comme prévu, Elisa. Rien. Je suis formel. Je me suis allongé au bord de cette crevasse, j'ai sondé le fond avec ma torche et je l'ai vu. Son casque était fendu. Il était allongé au sol sur le dos. On ne peut plus rien faire. On doit aller le chercher. Il faut remonter son corps. Bon, on remonte le corps et on le met dans son sarcophage jusqu'au retour sur Terre. Elisa a raison. J'ai l'impression que vous avez tous oublié où nous trouvons. Je vous ai dit que je l'ai vu allongé au sol avec son casque brisé. Vous comprenez ce que ça veut dire, non ? Alors je vais vous rafraîchir la mémoire. Ça veut dire qu'à moins 60 degrés, son corps doit être complètement congelé maintenant. On reste là. C'est à moi de décider, Walter. Je suis le capitaine de cette mission maintenant. Sans vouloir t'offenser, Marie, je crois pouvoir dire que j'ai un peu plus d'expérience que toi. Et même si la jambe cassée de Miguel et la chute de Franck te permettent de te retrouver ici, à diriger cet équipage, il n'en reste pas moins que j'ai raison. Aller perdre de l'énergie et de l'oxygène, ainsi que du temps, pour récupérer le corps du capitaine, n'est peut-être pas la meilleure des décisions à prendre. Je n'ai pas dit, Walter, que tu avais raison ou tort. Je dis seulement que c'est à moi de prendre cette décision. Et je ne veux plus que tu fasses allusion à mon parcours dorénavant. Quant à ton expérience, je n'ai pas souvenir que tu sois venu sur Mars avant moi. T'as pas plus d'expérience que moi, t'es plus vieux. C'est pas la même chose. Tu es le scientifique de la mission, Walter. Et maintenant, j'en suis le capitaine. C'est clair pour tout le monde ? C'est clair. Je suis désormais maître à bord du vaisseau Velasquez. Je ne devais pas être là. Et je me retrouve à diriger ce vaisseau. Walter n'a pas tort lorsqu'il dit que ce sont des accidents qui m'ont mené là. La planète rouge n'est pas si accueillante. Et à peine arrivés, nous devons faire face à un deuil. Le premier humain à être mort loin de chez lui. Loin de la Terre. Alors on va le laisser comme ça, ici ? Dans ce trou, c'est ça ? On n'a pas le choix. Vous savez bien que tout est rationné et calculé au mieux pour notre survie ici et pour le retour. Si on lance une opération pour récupérer son corps, on sait tous que rien que l'effort de le remonter nous coûtera beaucoup trop en oxygène. Je crois que Franck aurait fait pareil dans ce cas-là. La mission d'abord. Nous allons nous reposer. Il faut que je réfléchisse et je dois faire un rapport au Capcom. Bon, on sait faire une routine de sauvegarde. Bien, j'ai terminé. Je propose que vous vous reposiez 2 heures. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous restez là à me regarder ? Vous pouvez aller vous reposer, je vous ai dit. Qu'est-ce que vous avez ? T'as terminé, Vincent ? C'est bon, je crois qu'il est temps, Walter. Voilà. Anomalie dans le système audio. Oui, vidéo. C'est le moment. Le moment de quoi ? Je comprends pas. C'est quoi cette anomalie, Vincent ? Tu m'avais dit que tu faisais une sauvegarde. Ce qu'on a à dire est très important. Pour cette anomalie, t'inquiète pas, je l'ai créée et elle sera indétectable dans le rapport de mission. Indétectable ? Mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en... Juste que tu nous écoutes avant de faire ton rapport au Capcom. Je crois qu'on aurait voulu faire ça autrement, mais maintenant on n'a pas le choix. Il faut promettre de nous écouter de bout en bout, et ensuite nous répondrons à toutes tes questions. Toutes. N'est-ce pas, Walter ? Oui, Elisa. On fait comme ça. Je vous écoute. Si tu le permets, Walter, je vais lui expliquer. Vas-y, Elisa, je t'en prie. Le capitaine n'a jamais vu de créature. C'est une invention. Des satellites ont parcouru Mars de long en large. On a scanné de toutes les manières possibles cette planète et il n'y a aucune forme de vie ici. Rien. Ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir sur Terre et après quelques jours de liesse, d'interviews et de photos en tout genre, on va nous oublier encore une fois. On aura ramené des échantillons, des morceaux de pierre, des milliers de photos et des heures de vidéos et c'est tout. On finira comme les autres à écrire notre biographie depuis une maison de retraite. Mais qu'est-ce que vous espériez ? Attends, tu vas comprendre, Marie. Patience. Continue, Elisa. Lorsque la mission Apollo 11 est revenue de la Lune, ils ont raté une occasion unique d'annoncer qu'il y avait quelque chose là-haut. Quelque chose de plus intelligent, de plus évolué que nous. Quelque chose qui nous dépasserait. Quelque chose ou quelqu'un à qui se soumettre. Mais vous savez bien que malgré toutes les théories du complot, il n'y a rien sur la Lune. Rien du tout. Je comprends pas. Quelque chose pour nous soumettre. Marie, c'était une occasion unique d'entrer dans une nouvelle ère. Tous réunis et soumis à une volonté qui nous dépasserait. Un dieu unique. Mais on peut l'appeler intelligence supérieure ou extraterrestre. Qu'importe. Quelqu'un qui mettrait tout le monde d'accord. Tu vois, une même volonté vers laquelle se tourner. Voilà l'occasion ratée avec Apollo 11. Mais on a à nouveau cette chance. Il n'y en aura pas d'autre avant longtemps. À vous entendre, j'en déduis que vous avez déjà pensé à tout. Je ne sais pas encore exactement de quoi il s'agit, mais il va falloir être un peu plus clair. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Comme tu le sais, nous nous connaissons tous depuis longtemps. Très longtemps. En fait, nous avons même été formés pour ça. Nous avons tous travaillé dur pour être ici. Ça n'a pas été facile. Mais nous n'avions qu'un seul objectif. Être ici. Et Miguel a eu cet accident. Et tu l'as remplacé. Alors nous avons préféré ne rien te dire avant l'arrivée sur Mars. Pour me mettre devant le fait accompli ? Ce n'est pas vraiment ça, Marie. Mais pour être franc, tu n'as pas le choix de toute manière. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Pardonne à Walter, il peut être un peu brusque parfois. Je continue, si tu le veux bien. Nous avons une chance inouïe de changer la face du monde. Rendre l'humanité plus unie et forte que jamais en mettant fin à toutes les guerres et injustices. Juste en annonçant que nous sommes entrés en contact avec un être qui nous serait tellement supérieur que nous ferons tout pour le satisfaire. Tout, même faire la paix. Vous voulez mentir, c'est ça ? Inventer une histoire ? C'est un point de vue irréducteur. Nous voulons... Comment dire ? Dire qu'on a vu. Et ensuite broder un peu. Le jeu en vaut la chandelle, Marie. Et tu veux vraiment revenir sur Terre ? Retrouver le chaos ? La misère ? Tous les conflits ? En sachant que tu avais une occasion unique de mettre un terme à tout ça et que tu n'as rien fait ? Ce mensonge n'est rien comparé à ce que ça va engendrer. Et rien. Si je n'accepte pas ? Dis pas ça, Marie, sois raisonnable. Non, je répète, et si j'accepte pas, qu'est-ce qui va se passer ? Répondez-moi. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire si jamais je refusais d'entrer dans votre plan ? Je comprends bien que les enjeux nous dépassent, Marie. Il n'est pas question de notre petite personne dans cette histoire. Ça ne répond pas à ma question, c'est pas clair. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Ça sera notre parole contre la tienne. La parole de trois astronautes aux états de service irréprochables. Trois professionnels, dont un scientifique de grande renommée, face à la tienne. Je ne te cache pas qu'on pourrait aussi faire un rapport sur quelques troubles du comportement que tu pourrais avoir. Je suis le médecin de bord, Marie. Suite à un diagnostic médical défavorable, tu sais que j'ai même le droit de te démettre de tes fonctions après en avoir référé au Capcom. Mais oublie ça. Et pense plutôt à ce qu'on tient entre nos mains, Marie. L'avenir de l'humanité. Seconde bord, Marie Alonso du vaisseau Velasquez à Capcom Contrôle Terre. Rapport de mission numéro 24, DE80. Comme le veut la procédure, je suis aux commandes du vaisseau Velasquez suite au décès accidentel du capitaine Frank Meyer. En effet, lors d'une sortie avec le professeur Langus et l'ingénieur Vincent Amiel, ceux-ci ont été pris dans une tempête que nos instruments... Bien. Maintenant qu'on a signalé le décès de Franck et le contact avec la créature, il va falloir répondre aux questions du Capcom. Qu'est-ce que vous allez faire lorsqu'ils demanderont des photos, des vidéos, des enregistrements? Comment vous allez faire ça? À l'ancienne. À l'ancienne? Ça veut dire quoi? Je vais laisser tous les systèmes audio, photos et vidéos en mode pan inconnu. Et je m'occuperai plus tard de la boîte noire. Il n'y aura que notre parole et c'est tout. Quand je dis à l'ancienne, je veux dire par là que ce sera à nous de décrire la créature et de faire passer des messages. Comme le feraient les prophètes. On dira que c'est elle qui a bloqué tous les systèmes. Rien ne vaut l'imagination. On continue alors. Leur réponse ne devrait pas tarder. Encore une vingtaine de minutes. Et vous êtes certain que le capitaine n'a rien vu? Certain. Il nous l'a dit. Il n'y a rien. Rien du tout. Contrôle-terre avait sauvé Lasquez. Ici le Capcom. Je vous passe le général Damien Fulton. Suite à ce contact sur la planète Mars, vous devez prendre toutes les précautions d'usage et nous communiquer le plus rapidement possible tous les renseignements que vous aurez pu recueillir sur cette créature. Nous attendons de vous la plus extrême prudence. Nous déplorons la disparition du capitaine Frank Meyer et tous les hommages lui seront rendus ici sur Terre. Le président devrait arriver dans moins de 30 minutes. Nous attendons votre rapport dans les plus brefs délais. Contrôle Terre à vaisseau Velasquez. Terminé. Seconde bord, Marie Alonso du vaisseau Velasquez à Capcom Contrôle Terre. Pour une raison inconnue, tout notre système d'enregistrement audio, vidéo et photographique est tombé en panne. Ne reste que la liaison mission Capcom Terre qui est opérationnelle. La créature est venue nous voir. Elle est là, juste à l'extérieur du vaisseau, et nous pouvons communiquer avec elle à travers ce qui semble être de la télépathie. En tout cas, nous entendons clairement sa voix dans nos têtes. Il semble qu'elle connaît toute la Terre et de son histoire. Cette créature connaît un nombre impressionnant de langues terriennes et ne semble pas belliqueuse pour le moment. C'est un événement d'une extrême importance pour toute l'humanité. Second vaisseau Marie Alonso du vaisseau Velasquez à Capcom Contrôle Terre. Terminé. Nous avons décidé de faire simple. L'idée, c'est qu'elle soit très proche de notre physionomie. La créature est pratiquement comme nous, mais beaucoup plus grande. Nous dirons dans les 2,50 m. Peut-être un peu plus, type humanoïde. Deux bras, deux jambes, un torse, une tête, et pas de sexe en revanche. Pas de sexe? Cette créature doit ressembler le plus possible à un ange. Un ange? Mais c'est ridicule. Pas du tout, Marie. En choisissant de donner cette forme à notre créature, on la relie directement à notre histoire, à nos croyances les plus profondes. Chacun va s'y retrouver. Toutes les religions et toutes les croyances vont y trouver la preuve irréfutable de l'existence de Dieu. Chacun va pouvoir se l'imaginer et surtout se faire une idée de sa puissance. Capcom Terre à vaisseau Velasquez. Je vous passe le président. Ici le président William Joseph. C'est une grande et très importante nouvelle. Nous voudrions avoir plus d'informations sur cette créature et surtout savoir si elle est seule ou non et quelles sont ses intentions. Nous comptons sur vous pour gérer cette situation exceptionnelle dans notre histoire. Président William Joseph au second bord, Marie Alonso, terminé. Seconde bord, Marie Alonso du vaisseau Velasquez à Capcom Contrôle Terre. Rapport de mission numéro 24DE82. Nous pouvons dire plusieurs choses sur la créature. Elle est de type humanoïde. Elle est très grande, dans les 2,50 m, asexuée. Il me semble qu'elle est seule, et en tout cas, même si le mot est un peu lourd de signification, il ne nous vient rien d'autre à l'esprit lorsqu'elle s'adresse à nous que le mot « ange ». Il se dégage d'elle une grande puissance. Elle ne nous a rien révélé de ses intentions pour le moment. Elle se contente de nous raconter l'histoire de l'humanité. Notre histoire. Elle semble connaître tout de nous. Absolument tout. Seconde bord, Marie Alonso, à Capcom Contrôle Terre. Terminé. Ordinateur, je voudrais un scan thermique et infrarouge de la zone autour de Pavonis Mons. Scan thermique enclenché. Scan complet de la zone dans 11 minutes. Tu la cherches? Ah, t'es là, Vincent? Oui, je la cherche. Malgré tout ce que vous m'avez dit, le capitaine avait l'air tellement sincère. Vraiment sincère, alors je me dis... Et s'il avait vraiment vu quelque chose? Je crois pas. Je crois que cette planète est morte. Complètement morte. On est arrivé trop tard. Peut-être qu'il y a plusieurs millions d'années, il y avait de la vie sur Mars. Finalement, au regard du temps spatial, on s'est arrêté peu. Vraiment peu. Tu perds ton temps. Et puis, on l'a trouvé, finalement, notre extraterrestre. Il va bientôt être une réalité pour tous. Ouais. Et justement, qu'est-ce qu'on va lui faire dire à cet ange ? Pas grand-chose. Juste montrer qu'il est puissant. Il faudrait surtout raconter un événement qui ne laisse aucun doute sur sa puissance. C'est le seul moyen. Tu sais bien que si la créature ne se montre pas assez puissante, alors rien ne se fera. Qu'est-ce qu'il va demander ? La paix dans le monde tout de suite ? La fin des inégalités ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Elle ne demandera rien pour le moment. Nous verrons plus tard. Beaucoup plus tard. Il faut dans un premier temps asseoir sa puissance. Cela va créer une unité entre les hommes. Et ensuite, il sera temps de... Alerte. Forme repérée. Alerte. C'est elle. Forme mouvante. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Le sky thermique indique qu'elle se dirige vers le vaisseau. Une forme qui s'approche. Ne sera pas la laisser entrer, Marie. En aucun cas. Attendons de la voir. Vincent, tu peux nous remettre en marche les caméras ? Alerte. Elles sont inutilisables. Comment ça ? Quoi ? Tu devais juste les déconnecter. Tu avais dit que tu les mettais hors service. Pas qu'elles allaient être inutilisables. J'avais peur que Marie change d'avis et mette en marche le système audio-vidéo sans qu'on le sache. Ça aurait fait échouer toute notre mission. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Elle ne doit pas saboter le vaisseau. Nous serions condamnés. Tous. Il faut décoller, maintenant. On ne peut pas décoller. Il faut attendre au moins une douzaine d'heures pour nous retrouver sur le bon axe de la trajectoire. Il faut attendre. Vous voulez une rencontre ? La voilà. Bon, de toute façon, il est trop tard. Elle est à notre porte. Si on essaie de sortir maintenant, qui nous dit qu'elle ne va pas en profiter pour entrer dans le vaisseau ? Qu'est-ce qui nous dit qu'elle ne va pas nous attaquer ? On va attendre. On va rester calme et attendre. Pour l'instant, on est à l'abri. Je savais que le capitaine avait vu quelque chose, je le sentais. On ne peut pas rester comme ça, il faut prendre une décision. Marie, c'est toi le capitaine. Préparez-vous. Vaisseau Velasquez. Je vous passe le président. Président William Joseph à vaisseau Velasquez. Suite à votre annonce, nous nous réunissons avec le Conseil de sécurité et le chef d'État. La seule question qui se pose est cette créature, cet ange, pourquoi veut-il venir sur Terre ? Président William Joseph à vaisseau Velasquez, terminé. Comment va-t-il ? Son état est stable. Mais il est encore faible. Il ne devrait pas être là. Comme il a fait pour marcher jusqu'au vaisseau. Moi non plus, je ne me l'explique pas. Walter a dit que sa visière s'était fendue. Il aurait dû mourir sur le coup. Il a effectivement quelques engelures, mais rien de très grave. Et sa visière est à peine fêlée. Est-ce qu'il a dit quelque chose ? Il a essayé de chuchoter quelques mots, mais rien de compréhensible. Ensuite, il a fermé les yeux et il s'est endormi. Les constantes sont stables. Son cœur bat plus lentement, mais je ne pense pas que ce soit inquiétant. Laissons-le se reposer. Je suis heureuse de le revoir. Oui. Moi aussi, Elisa. Le capitaine est un miraculé. Mais il est là. J'espère qu'il nous expliquera ce qui s'est vraiment passé là-bas. On a bien fait l'ouvrir. Tu te rends compte si on était parti en le laissant seul sur cette planète ? Le pauvre, ça aurait été atroce pour lui. Mais je ne comprends quand même pas comment il s'en est sorti. Pourtant, je l'ai bien vu. En bas. Au fond. Il va falloir attendre son réveil pour avoir sa version des faits. En tout cas, c'est pas possible qu'il ait survécu si longtemps. Même sans cette chute, je pense qu'il avait pas assez d'oxygène pour tenir autant de temps. Vous avez vérifié le niveau d'oxygène de sa combinaison ? Je vais le faire tout de suite. Il y a quelque chose ici. Quelque quelque chose que nous n'avions pas du tout prévu. Les erreurs de calcul, la tempête qui se lève et que nos instruments captent pas, et puis maintenant le retour du capitaine. Son niveau d'oxygène est vide et la réserve aussi, c'est incompréhensible. Je crois qu'on tient notre miracle. Seconde bord, Marie Alonso du vaisseau Velasquez à Capcom Contrôle Terre. Rapport de mission numéro 24, DE84. Nous sommes toujours aux coordonnées 0,8 degrés nord et 246,6 degrés est sur Pavonismos. La créature est retournée dans la crevasse et elle a ressuscité le capitaine Frank Meyer que nous avions laissé pour mort. Je dis bien ressuscité, ce qui donne bien l'idée de l'étendue de sa puissance. Pour finir, elle n'apparaîtra pas au terrien, pas maintenant. En revanche, elle nous a désignés comme étant ses représentants sur Terre. Elle exprimera sa volonté à travers nous. Seconde bord, Marie Alonso, du vaisseau Velasquez à Capitaine Contrôle Terre. Terminé. Capitaine, attendez, je vais vous aider. Ne bougez pas trop, vous êtes encore faible. Voilà. Doucement. Si vous voulez vous asseoir, allez-y doucement. Doucement. Oui, doucement. Doucement. Oui. Je vais vous donner un verre d'eau. Ne bougez pas. Un verre. Un verre d'eau. Voilà. Tenez. Buvez. Allez-y. Oui, c'est bien. Merci. Merci. J'avais soif. Oh, j'ai mal à la tête. Vous êtes déshydraté. Comment vous sentez-vous ? Il fait bon ici. Il fait chaud, c'est agréable. Vraiment. Capitaine, vous me reconnaissez ? Je suis Elisa, le médecin de bord. Vous me reconnaissez ? Elisa. La médecin de bord. Oui. La visière de votre casque s'est fendue. On vous a laissé pour mort et personne ne s'explique avec les températures extérieures comment vous en êtes sorti. Sans oxygène et puis... Puis comment vous avez réussi à grimper hors de la crevasse ? Je sais pas. C'est un grand trou noir dans ma tête. Oui, je me souviens de la crevasse. Vous avez marché jusqu'au vaisseau, c'est incroyable. Je crois que je vais me reposer un peu. Oui, je vais vous laisser. Sonnez si vous avez besoin de moi, je vais revenir vous voir. C'est vraiment agréable, cette chaleur, vous savez. Tout ce temps dans le froid. Oui, dans cette crevasse, toutes ces heures dans ce trou. Tout ce temps à attendre, dans le froid, au fond de... Ça va, capitaine ? Rien. Rien, je vais me reposer un peu. Oui. Capcom Contrôle Terre avait sauvé Velasquez. Je vous passe le général Fulton. Général Fulton avait sauvé Velasquez. Suite à une réunion du Conseil de sécurité et des différents chefs de gouvernement, il apparaît que nous devons vous demander de rester sur la planète Mars. Il nous semble préférable, par mesure de précaution, que vous ne retourniez pas sur Terre. Nous préparerons prochainement une mission sur Mars afin d'évaluer les capacités de cette créature. Dans l'immédiat, et si elle n'a pas pu se déplacer jusqu'à présent sur Terre, nous préférons qu'elle reste sur sa planète. Étant donné les circonstances exceptionnelles, il nous semble préférable de ne pas prendre le risque qu'elle bouleverse notre environnement et l'humanité à travers vous. Nous vous demandons de faire ce sacrifice au nom de cet équilibre précaire qui nous tient depuis des millénaires. Si vous tentez de rentrer sur Terre, votre vaisseau sera immédiatement détruit. Sur Terre, la mission sur Mars a officiellement échoué et nous avons perdu tout contact avec vous. Général Fulton à vaisseau Velasquez. Fin de communication. Ça va ? Oui, ça va. Tu vas bien ? Oui, je me sens bien. Il fait chaud ici. Il fait bon. Tu te souviens que t'as fait une chute ? La chute. Tu t'en souviens ? Vaguement. Ah oui, une chute. Il fait bon ici. C'est agréable. Après tout ce temps passé dans ce sale trou. Ouais. T'es resté très longtemps dans cette crevasse, mais... Moi, j'ai vraiment cru que t'étais mort. Comment t'as pu sortir de cette crevasse et arriver jusqu'au vaisseau? Tu peux me le dire, moi. Je veux plus retourner dans le trou. Plus jamais. Il faut partir d'ici. Il faut partir vite. Pourquoi il faut partir? Y a rien. Y a rien sur cette planète. Absolument rien. Il faut partir. Oh! Oh, j'ai mal à la tête! Franck! Oh. Qu'est-ce que tu fais? Franck! Salle de contrôle maintenant. Je l'ai eu. On va pouvoir partir d'ici. Marie ? Ici Marie Alonso du vaisseau Velasquez. Je vais me mettre en sommeil profond et je vous recontacterai lorsque je serai à 10 jours de la Terre afin que vous me donniez l'autorisation d'atterrir. Je vous raconterai exactement ce qui s'est passé. Je répète, je suis... complètement seule. Je vous en supplie. Détruisez pas le vaisseau. Je répète, je suis seule. Je suis Marie Alonso, second navigateur du vaisseau Velasquez. Terminé. Pour moi. Je suis désolée, Vincent. Je veux juste rentrer chez moi. Pardon, pardon. Je vais rentrer dans mon sarcophage. Ici Marie Alonso, second navigateur du vaisseau Velasquez. La bête qui habitait le corps du capitaine n'était ni un dieu, ni un ange. Ce n'était qu'un être sans forme. Et seul, d'après ce qu'elle disait. Un être qui avait été laissé là par ses semblables et qui voulait absolument quitter Mars par tous les moyens. Elle a utilisé les seules forces qui lui restaient pour attirer vers la crevasse Franck et prendre possession de son corps. La créature, un être invisible, s'est alors emparée d'un autre corps, celui de Walter. Puis elle a tué Elisa. Je veux que l'on sache que je n'ai pas eu le choix. Je suis retranchée dans la salle de contrôle qui donne aussi sur la salle de sommeil. Il fait très froid maintenant. J'ai coupé les alimentations d'oxygène des autres salles du vaisseau. Vincent a eu le temps de mettre son scaphandre, mais il aura bientôt plus d'oxygène. Il est possible que, sans nouveau corps à habiter, la créature meure. Je suis la seule survivante. Et je suis humaine. Il n'y a plus rien sur Mars. Je voudrais juste rentrer chez moi maintenant. Je suis certaine d'une chose. Dieu n'existe pas. C'était Doppelganger de Tariq Nouri avec Raphaël Bouchard, Marie, Christophe Raymond, Franck, Joachim Salinger, Walter, Julien Malouf, Vincent, Fleur Sulmont, Elisa, Pascal Collin, le Capcom, Hervé Furic, le président Joseph, Bruno Abraham Kramer, le général Fulton. Bruitage, Sophie Bissantz. Création sonore, Thomas Carpentier. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Mathieu Nombeau, Émilie Couette et Pierre Mine. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.